الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، chers frères et sœurs, nous continuons ensemble la lecture et l'étude de ces hadiths sur la croyance et le suivi, réunis par l'éminent cheikh, le grand savant, Rabi' ibn Hadi Umayr al-Madkhali. Nous en sommes aujourd'hui au septième hadith qu'il a mentionné avec le huitième et qui concerne l'ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala et son décret et le fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala détient l'ordre tout entier et nul parmi les créatures ne s'associe à lui en cela, pas même un prophète envoyé ou un ange rapproché et encore moins autre que cela. Il a donc dit, rahimahullah, عن Anas, رضي الله عنه, قال شج النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وكسرت رباعيته. Anas, qu'Allah l'agré, rapporte que le prophète صلى الله عليه وسلم fut blessé à la tête le jour de Uhud, c'est-à-dire le jour de la bataille de Uhud, et qu'une de ses canines fut cassé. فقال كيف يفلح قوم شجوا نبيهم. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit alors suite à cela, comment pourrait réussir un peuple qui a blessé son prophète, étant donné que ils en étaient venus à lui causer du tort physiquement. Il pensait à ce moment-là qu'il ne pourrait être guidé. فنزلت الآية ليس لك من الأمر شيء. Alors le verset suivant est descendu, selon le sens rapproché, tu n'as aucune part dans l'ordre, c'est-à-dire dans le décret, dans le commandement. Mais l'ordre tout entier revient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce hadith est rapporté par les imams, al-Bukhari et Muslim, et d'autres, rahimahumullahu ta'ala. Ensuite l'auteur, rahimahullah, a mentionné le huitième hadith, qui concerne le même sujet et le même événement. Et il dit, وعن ابن عمر رضي الله عنهما أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الأخيرة من الفجر. Ibn Umar, qu'Allah l'agré ainsi que son père, rapporte qu'il a entendu le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم dire alors qu'il avait relevé sa tête de l'inclination lors de la dernière unité de la prière d'Al-Fajr, Allahumma al'an fulanan wa fulana. Ô Allah, maudit un tel et un tel. Il a mentionné les noms de certains parmi les polythéistes. Ba'dama yaqul, sami'a Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd. Donc après s'être relevé de l'inclination, en disant sami'a Allahu liman hamida, rabbana wa lakal hamd, il a invoqué contre certains parmi les polythéistes. فَأَنْزَلَ اللَّهُ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٍ الْآيَةِ. Alors Allah subhanahu wa ta'ala a révélé sa parole, selon le sens, tu n'as aucune part dans l'ordre. L'ordre tout entier revient à Allah subhanahu wa ta'ala. وَفِي رِوَايَةٍ, et dans une autre narration, يَدْعُ عَلَى صَفْوَانَ ابْنِ أُمَايَةٍ وَسُهَيْلَ ابْنِ عَمْرٍ والحارث ابن هشام. Et dans une autre narration, il est rapporté qu'il invoquait contre Safwan ibn Umayya, wa Suhayl ibn Amr et al-Harith ibn Hisham. Trois parmi les polythéistes à ce moment-là, qui, comme on va le voir, sont ensuite entrés en islam. فنزلت ليس لك من الأمر شيء. Alors Allah a révélé le verset que l'on a mentionné selon le sens, tu n'as aucune part dans l'ordre. Donc tout d'abord, concernant les compagnons qui rapportent ces deux hadiths. Le premier hadith est rapporté par Anas ibn Malik al-Ansari, radiyallahu anhu, qui était au service du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam durant 10 années, et a donc profité grandement de la science du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est pour cela qu'il a rapporté de nombreux hadiths. Et les savants ont dit qu'il avait 1200 186 hadiths. Et parmi ces 1286 hadiths, il y en a 168 qui sont rapportés par les imams al-Bukhari et Muslim, rahimahumallahu ta'ala, donc reconnus unanimement authentiques. Et Anas, radiallahu anhu, il est mort à al-Basra, Basora, alors qu'il avait plus de 100 ans, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui. Celui qui rapporte le deuxième hadith est Ibn Omar. Et lorsque vous entendez Ibn Omar, cela désigne Abdullah ibn Omar ibn al-Khattab al-Qurashi radiyallahu anhuma. Il est donc le fils de Omar ibn al-Khattab, le deuxième des califes bien guidés. Et il est entré en islam à Mecca avec son père. Et il a émigré vers Médine alors qu'il n'avait que 10 ans. La première bataille à laquelle il a participé est la bataille d'Al-Khandaq, la bataille du fossé. Car avant cela, il ne pouvait pas participer aux batailles en raison de son jeune âge. Puis ensuite, il a participé à toutes celles venues après avec le messager sallallahu alayhi wa sallam. Et il faisait partie de l'élite des compagnons radiyallahu anhum. Et aussi de ceux que l'on appelle, si vous vous souvenez, Al-Abadila. On avait parlé d'Al-Abadila, ses compagnons qui s'appelaient tous Abdullah et qui ont vécu longtemps après les autres compagnons et les gens se référaient à eux dans le domaine de la science et de la fatwa. On a vu qu'il y avait Abdullah ibn Abbas, Abdullah ibn Zubayr, Abdullah ibn Amr ibn al-As et Abdullah ibn Omar radiyallahu anhum. Et Abdullah ibn Omar était connu pour son ferme attachement à la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam et sa condamnation des innovations, et ce, par loyauté envers la communauté. Et il est mort en l'an 74 de l'Hégire, qu'Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de lui et l'élève en degré. Donc dans ce hadith, comme vous l'avez entendu, il nous est mentionné cet événement qui s'est passé le jour de la bataille de Uhud. Cette bataille dans laquelle le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait face avec ses compagnons aux polythéistes. Et celle-ci s'est produite après la grande victoire de la bataille de Badr. Et au début de la bataille, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiyallahu anhum avaient le dessus. Et il avait ordonné aux archers de rester sur un mont et de ne pas descendre, même s'ils pensaient que les musulmans avaient le dessus. Mais certains d'entre eux ne se sont pas soumis à cet ordre. Et ceci fut la cause d'une grande défaite durant cette bataille, au point que certains compagnons soient tombés en martyr durant celle-ci, et que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam fut blessé. Et tout ceci fait partie de la sagesse d'Allah subhanahu wa ta'ala, afin d'élever son messager sallallahu alayhi wa sallam en degré. Donc lorsqu'il a été blessé, ceci lui a laissé penser que ces polythéistes ne réussiraient pas, qu'ils n'atteindraient pas la vraie réussite, qui est l'entrée en islam, et la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala, et le suivi de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. En effet, il a vu qu'il refusait son message au point de le combattre, au point de le blesser. Il a donc dit comment pourrait réussir un peuple qui a blessé son prophète. Puis il s'est mis à invoquer dans la prière du Fajr, durant la dua du Qunut que l'on appelle Qunut al-Nawazil, le Qunut qui a lieu durant les événements difficiles et douloureux qui touchent les musulmans, il s'est mis à invoquer contre certains parmi les leaders des polythéistes, à l'exemple de Safwan ibn Umayya, Suhayl ibn Amr, Al-Harith ibn Hisham, et certains ont dit également Abu Sufyan ibn Harb. Alors Allah subhanahu wa ta'ala, qui est Al-Alim, Al-Khabir, celui qui sait parfaitement toute chose, apparente ou cachée, et celui qui détient l'ordre et le commandement sur ses créatures, le souverain absolu, a alors révélé à son prophète sallallahu alayhi wa sallam ce verset, qui est le verset 128 de Surat Ali Imran. « Laysa laka min al-amri shay »« Tu n'as aucune part dans l'ordre »« Aw yatuba alayhim »« Aw yu'adhibahum »« Fa innahum zalimun » Allah peut en guider, parmi eux, vers le repentir, ou en châtier en raison de leur injustice. Donc il mentionne ici à son prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré son rang éminent, et qui est le meilleur des hommes et le meilleur des prophètes et des messagers alayhim as-salatu wassalam. Il lui rappelle qu'il ne détient rien de l'ordre divin, mais que sa mission à lui est de transmettre le message, d'orienter les gens vers la voie de la droiture et de veiller à leurs intérêts. Mais il ne possède pas le pouvoir de guider. Ceci revient seulement à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui administre tout dans cet univers. Il guide qui il veut et il égare qui il veut subhanahu wa ta'ala. Donc la situation de ces gens contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait et le fait qu'ils soient guidés ou égarés, ceci ne revient qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui, de par sa sagesse et sa miséricorde, guide qui il veut vers le repentir et fait grâce de l'entrée en islam. Et c'est lui qui, s'il le veut, de par sa sagesse, sa justice et son équité, laisse certaines de ses créatures sur la mécréance et le polythéisme. Et ce en raison de leur injustice envers eux-mêmes. Car c'est eux qui se causent du tort à eux-mêmes, de par leur entêtement et leur obstination. Et cela a pour conséquence le fait qu'ils ne soient pas guidés. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a guidé ceux contre qui le prophète sallallahu alayhi wa sallam invoquait. Il les a guidés à l'islam. Et ils sont devenus du nombre de ses compagnons, radiyallahu anhum. Et ils faisaient même partie des meilleurs des musulmans et des plus grands soldats de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala a ouvert des pays par leur cause. Et nombre de gens ont été guidés à l'islam par leur intermédiaire. Donc on voit à travers cela que l'ordre tout entier appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que ses choix et ses décisions et ses décrets dominent et ont le dessus sur les choix, les décisions et les souhaits des créatures. Et le serviteur, quel que soit son rang auprès d'Allah, aussi éminent soit-il, il se peut qu'il choisisse une chose, mais que le bien se trouve dans le contraire de ce qu'il a choisi. Regardez ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui décide d'invoquer contre ces hommes, qui combattent les musulmans. Mais Allah subhanahu wa ta'ala décide lui de les guider à l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala sait, mieux que quiconque, où se trouve le bien pour ses créatures. Donc il se peut que toi, parfois, tu décides une chose, mais que le bien ne se trouve pas dans ce que tu as décidé. Que le bien ne se trouve pas dans ce que tu souhaites, mais le bien, il se trouve dans ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala a décrété pour toi. Et il sait mieux ce qui est bon ou non pour ses créatures. Donc ce verset, c'est une des preuves les plus immenses et des arguments les plus probants, réfutant ceux qui s'attachent et s'en remettent au prophète, alayhimu salatu wassalam, ou à autre que parmi les saints et les vertueux, ou autre parmi les créatures. Comme ceux qui pensent que le prophète sallallahu alayhi wa sallam connaît l'invisible, ou que un homme saint ou un vertueux peut détenir les clés de l'imperceptible, ou que cet homme saint ou ce vertueux ou ce mort qu'il invoque en dehors d'Allah peut lui porter secours dans les difficultés, et il attend de lui l'aide, le secours. Wallahu al-musta'an. Et tout ceci relève du shirk dans l'adoration. Et cela s'oppose à la raison saine. Comment quelqu'un qui a une raison saine peut-il se diriger vers une tombe, vers un mort, aussi pieux fut-il, et invoquer ce mort en dehors d'Allah? Ce mort n'a rien pu pour lui-même. Il n'a pas pu empêcher la mort de le toucher. Lui-même, il n'a pas pu se sauver. Il est mort. Son corps est sous terre, rongé par les vers. Et il n'a rien pu faire pour éviter cela. Donc dans cette situation, comment pourrait-il faire quoi que ce soit pour autre que lui? C'est pour cela que le shirk, le polythéisme, en plus de s'opposer à la législation, il démontre également une défaillance dans la raison. Le mushrik, il souffre d'une défaillance dans la raison. Il n'a pas la raison saine. Wallahu al-musta'an. Il délaisse le créateur de l'univers. Celui qui l'a créé, lui, les prophètes, les saints et les vertueux, il ne l'invoque pas, et il se dirige vers celui qui ne détient ni le pouvoir de nuire, ni le pouvoir de profiter. Et il n'y a pas de doute que ceci est un égarement évident, et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. Donc on tire de ce hadith différents bénéfices. Premièrement, on voit que les prophètes, alayhimus salatu wassalam, ils étaient touchés par ce par quoi sont touchés les hommes, comme les maladies, les épreuves, les blessures et autres choses semblables. Et ce afin que les gens sachent qu'ils sont des hommes comme eux, qu'ils sont touchés par les difficultés et les épreuves de ce bas monde comme eux. Ce qui peut les toucher physiquement touche également les prophètes et les messagers alayhim salatu wassalam. Et tout ceci afin que l'on comprenne qu'ils ne sont que des serviteurs. Et ils ont été élevés au-dessus des autres créatures en raison du fait qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a choisis pour la révélation. Et s'ils sont touchés par ce genre de choses, c'est pour que les gens ne croient pas qu'ils ont des pouvoirs ou qu'ils détiennent une part du commandement en raison de ce qu'ils peuvent voir comme miracles qui leur sont accordés. En effet, de nombreux miracles et de choses sortant de l'ordinaire ont été accordés aux prophètes et aux messagers alayhimus salatu wassalam. Donc afin que les gens ne soient pas leurrés par cela et qu'ils pensent que ils détiennent le pouvoir de nuire ou de profiter, Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné les caractéristiques semblables aux caractéristiques des autres humains. Ils mangent, ils boivent, ils sont blessés, ils sont malades, et ainsi de suite. Le deuxième bénéfice que l'on tire de ces deux hadiths est la légitimité de l'invocation du Qunut lors des Nawazil. Les Nawazil, c'est les événements douloureux qui peuvent toucher les musulmans. Et ceci a lieu dans la prière du Fajr ou autre. Dans la dernière unité, l'imam lève les mains et invoque contre les ennemis. Et ceci n'a lieu que sur décision du détenteur du commandement parmi les musulmans. C'est lui qui ordonne cela ou non. Et cela a lieu après l'émission d'avis juridiques des grands savants de la communauté. Si les savants et les détenteurs du commandement jugent légitime que le Qunut soit fait dans les prières, alors les musulmans accompliront cela dans les mosquées. Et ils invoqueront contre ceux qui font subir des injustices aux musulmans. Et ceci fait partie, c'est-à-dire l'invocation, des plus grandes causes religieuses pour obtenir le secours de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le troisième bénéfice que l'on tire de ce hadith, c'est la permission d'invoquer contre les polythéistes, et ce même en les mentionnant par leur nom, et même durant la prière. Et ceci n'a aucune incidence sur la validité de la prière. Donc lorsque tu es en prosternation dans ta prière, il t'est possible d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il fasse périr un tel ou un tel parmi ceux qui font subir des injustices aux musulmans. Et il n'y a pas de gêne en cela. Et ceci fait partie, comme on a dit, des plus grandes causes pour obtenir le secours de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est une cause à ne pas négliger, surtout dans les moments difficiles et les épreuves que peuvent traverser nombre de nos frères et sœurs à travers le monde, et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de les secourir et de faire périr tous ceux qui leur font subir ces graves injustices, ainsi que tous ceux qui les soutiennent directement ou indirectement. Le quatrième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est ce que l'on a mentionné concernant le fait que l'ordre tout entier, la souveraineté tout entière, appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est lui qui décide de ce qu'il veut dans son royaume. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, médite bien sur cela, a invoqué contre ses polythéistes. Et les compagnons radiallahu anhum étaient derrière lui et disaient Amin. Les meilleurs des hommes après le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils étaient derrière lui et ils disaient Amin. Il invoquait Oh Allah, maudit un tel et un tel. Qu'est-ce que cela signifie maudit-le? Cela signifie éloigne-le et prive-le de ta miséricorde. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam fait cette invocation. Les compagnons disent Amin, mais cette invocation n'est pas acceptée, telle que l'a demandé le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur ces personnes. Mais Allah subhanahu wa ta'ala leur fait miséricorde. Il ne les prive pas de sa miséricorde et il les guide au repentir et à la foi. Allahu Akbar. Donc c'est lui qui décide de toutes choses. Il guide qui il veut et il égare qui il veut. Subhanahu wa ta'ala. Et le cinquième bénéfice que l'on tire de ces hadiths, c'est que la personne ne doit jamais désespérer du fait que quelqu'un, égaré, mécréant, polythéiste, ou sur une voie d'égarement parmi les gens, de l'innovation ou autre, soit guidé à l'islam, s'il n'est pas musulman, ou à la voie de la vérité s'il est sur une voie égarée. Tu ne dois jamais désespérer de cela. Regarde ces hommes qui faisaient partie de ceux qui combattaient le prophète sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons radiallahu anhum. Ils les combattaient sur le champ de bataille, physiquement. Allah subhanahu wa ta'ala les a guidés, ils sont devenus parmi les meilleurs musulmans. Donc il se peut qu'une personne soit aujourd'hui hostile à l'islam, puis que demain elle devienne musulmane par la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. De la même manière, il se peut qu'une personne soit hostile à la sunna, hostile au suivi de la voie des pieux prédécesseurs de la communauté, rahimahumallah ta'ala, puis que demain elle soit guidée vers le repentir. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala guide son cœur vers ce droit chemin et qu'elle l'emprunte. Donc tu ne dois jamais désespérer qu'une personne soit guidée. Les cœurs sont entre deux des doigts d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il les retourne comme il veut. Et de la même manière, ceci est une mise en garde et un avertissement contre le fait de ne pas se laisser leurrer et ne pas se sentir à l'abri du stratagème d'Allah subhanahu wa ta'ala. Si aujourd'hui tu es sur le droit chemin, si aujourd'hui tu es musulman, tu suis la sunna, tu veilles à t'appliquer au suivi de la voie des pieux prédécesseurs, rahimahumallahu ta'ala. Tu dois être reconnaissant pour cela. Tu dois préserver ce bienfait qui est le plus grand bienfait qu'Allah subhanahu wa ta'ala puisse accorder à un de ses serviteurs. Et tu dois tout faire pour le préserver. Et parmi les plus grands moyens de préserver ce bienfait, le fait d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala, afin qu'il raffermisse ton cœur sur sa religion, comme le faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a invoqué Allah subhanahu wa ta'ala en disant « Ya muqallib al-quloub, thabbit qalbi ala dinik. Ô toi qui retourne les cœurs, raffermis mon cœur sur ta religion. » On demande à Allah subhanahu wa ta'ala de raffermir nos cœurs, de nous maintenir sur cette voie et de ne nous faire mourir qu'en pleine soumission. Car nul parmi nous n'est à l'abri. Il se peut qu'une personne soit aujourd'hui musulmane et que demain elle se lève mécréante, wal'iyadu billah. Surtout en temps de trouble, où les choses sont confuses, et que la personne qui n'est pas ferme, dont les pieds ne se sont pas bien ancrés sur cette voie et sur ce droit chemin, il se peut que le vent des troubles l'emporte, et qu'elle soit prise par la tempête, et qu'elle se mette à suivre une autre voie, wal'iyadu billah. Et combien sont ceux, dans les moments de trouble, à ne pas revenir au fondement, à se laisser diriger par les émotions, à se laisser diriger par les sentiments, puis à s'égarer, et on demande à Allah, subhanahu wa ta'ala, de nous en préserver. On a donc terminé avec ces deux hadiths. Walhamdulillahi rabbil alamin.